sable murmure les noms d'avant. Je marche seul vers l'inconnu. La chaleur plombe, la chaleur bombe, mes pas s'enfoncent dans l'histoire. Chaque dune est un secret, chaque silence une âme. Il n'y a pas de guide ici, seulement les ombres et le souffle. Des formes dans les sables, comme si le désert respirait avec moi. Ceux qui m'aiment.